c'est ma blonde que j'aime, mais blonde, je me sens mal, j'ai mal. Ça doit être normal. Puis je pense à mon en général, à mes chums qui assoient la police à mon milieu incarcéral, au bombardement, au Oklahoma, le building fédéral plein d'enfants, aux femmes qui se font violer, puis aux enfants mal aimés, au système judiciaire qui protège juste les riches, les privilégiés. Oh fan de ta gueule, j't'ai curé. Mon cœur est déchiré, les réalités des sociétés sont trop bizarrement administrées. Oh le politicien, ta gueule, j't'ai curé, t'entends japper, mais jamais mordre. Ta gueule à ceux qui abusent sur les plus petits, à ceux qui profitent des démunis. J'ai perdu des frères, des sœurs, des amis, puis aujourd'hui ma blonde qui est jamais blonde. Fait que j'ai plus rien à perdre, on sent que pression, sans honte. J'dis ta gueule à tous ceux qui parlent trop, puis à ceux qui se pensent bad, yo, ta gueule. Femme dans ta gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Je retourne à page, une autre page blanche, mort penche, je remonte ma manche, pense au mentor, à ceux qui mentent, sont parapolis, qui t'es carreau, violeur ou voleur ou abuseur. Pis ça me rend de mauvaise humeur, mes boys me disent qu'est-ce que ta gueule. Ce que tu dis c'est grave, tôt ou tard ils vont te fermer la gueule, mais yo, ils ont rien compris. J'ai perdu il y a longtemps l'envie d'être une victime. Moi si je reste muet devant l'injustice, je sens que je vaux pas un centime. Il se rappe d'Elazis, Salem, Yassine et Yamin. Je danse pas comme du poulet, comme d'autres tata. Personne me dit quoi dire comme d'autres tata. Si je veux dire à Melbourne que c'est un voleur à la peine en France, c'est un mentor au faiseur de gars qui met à carreau. Cop que c'est des abuseurs, racistes que c'est des ignorants. J'ai pas peur, vos gueules. Mais personne me dit femme ta gueule. C'est moi qui dis ta gueule au grand gueule. Ta gueule. T'es calme. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, il est temps qu'on dise ta gueule au grand gueule. Ta gueule, femme ta gueule. Yo, j'sais pas pour toi, mais moi j't'ai cœur et ceux qui parlent trop. Les DJ connaissent, hein, qui connaissent tout, sauf la route du silence. Pour ça, j'perds patience, comme mon père confiance. Au prêtre, traite comme des enfants dans l'innocence. Au sac comme des enfants atteints de déficience. Au violeur comme les n'importe qui, n'importe comment. Aux parents qui donnent pas d'amour aux enfants. Au raciste qui persiste à blesser les gens physiquement. Au système en général pour être si archaïque, préhistorique, puis aux policiers qui jouent à l'équiluc sur la population comme si le monde ordinaire c'était des cons. Esprits qui sont cons, la tune me déprime, j'm'en fous si ça. C'est comme si j'étais à veille de mourir et puis je disais ce que j'avais à dire. Dommage, j'ai juste 3 minutes et quelques secondes, ça tourne. C'est peut-être pour ça que j'ai autant de tunes sur l'album. Sont sûrement pas de tout le monde, mais ils sont vrais. Ils parlent du stress, la vie ici sur terre et c'est mis à la petite vie. Ah, j'suis capable.